J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.